qui était écrit sur le pamphlet qui était remis là, par rapport à cette conférence-ci qu'on n'a pas touché. Par sa conscience, cheminer dans l'avenir afin d'éliminer des futurs possibles, c'est faisable. En tout cas, c'est du moins ce qui est écrit. C'est marqué, nous verrons comment. Je suis ouvert les yeux, j'ai rien vu. Tu expliquer un peu? Un peu. Bon. La conscience de l'homme, c'est quelque chose qui peut rendre l'homme libre. L'illusion de la conscience de l'homme, la mémoire de la conscience de l'homme, c'est de l'astral, et ça, c'est ce qui rend l'homme esclave. Cheminer dans l'avenir, non. La conscience de l'homme ne chemine pas dans l'avenir réellement. Par contre, il y a des mécanicités astrales qui font en sorte que toute la structure évolutive de l'homme est basée sur le fait que le corps de l'homme doit sécréter des hormones, et sécrétant des hormones, il endurcit le corps physique, engendre des cellularisations d'évolution, c'est-à-dire que l'évolution est codifiée dans le code génétique des cellules, et cela légué de père en fils, de mère en fille, etc., donc de parent en enfant, cela engendre une évolution génétique raciale qui fait qu'à travers les temps, les races deviennent de plus en plus solides, de plus en plus fortes, à résister à des éléments qui, antérieurement, auraient carrément détruit psychologiquement et psychosomatiquement les individus. Étant donné que l'astral a pour fonction, et il est réglé à des mécanismes archangéliques, des mécanismes de gestion de troupeaux, de groupes, comme l'humain évolue présentement d'une façon collective, il est assujetti à ses forces, de faire en sorte que l'être humain évolue de haut, avec des hauts et des bas, que l'être humain sécrète. Lorsque l'être humain s'habitue au malheur, on lui donne du bonheur, alors il est plus content, il sécrète des hormones, on appelle cela l'émotion. Lorsque l'être humain vit trop de bonheur, alors on le déçoit un peu, alors il broye un peu, il sécrète encore, et on appelle ça aussi encore l'émotion. De la seule façon que nous, que l'être humain, mais pas l'animal humain encore, peut faire pour cheminer dans l'avenir d'une façon fausse et éliminer des futurs qu'il n'aime pas, c'est de réveiller consciemment à des choses qui peuvent arriver dans son avenir. Alors, la personne, elle chemine dans un continuum où elle rêve qu'elle a un accident avec son automobile, qu'elle est blessée gravement, qu'elle est maintenue en vie par des appareils pendant un laps de temps. Mais elle ne fait pas ça en 30 secondes, elle fait ça en quelques heures. Elle vit les détails. Avec émotion. Elle cauchemarde. Oui, elle vit les détails avec émotion. Alors, elle chemine donc astralement dans un continuum. Et elle chemine là-dedans, elle doit tout le vivre. Elle peut même l'écrire si elle veut. Alors, elle le vit, et ça prend quelques heures. Et quelques heures, disons, minimum une heure. Lorsqu'elle a fini cela, eh bien, elle a maintenant élaboré une structure astrale que peut-être elle aimerait vivre. Mais elle a cauchemardé sa structure, donc c'est quelque chose qu'elle refuse de vivre. L'accident avec l'appareillage, etc. Maintenant qu'elle a fait cela, et qu'elle envisage cela comme étant une possibilité d'avenir, qu'est-ce qui arrive au niveau des forces astrales qui font tout pour que l'homme soit toujours déstabilisé? Ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas à l'homme. Parce que là, ils sont informés que t'es prête à ça, finalement? C'est-à-dire que tu... Ça ne t'arrivera pas. Alors, tu viens d'éliminer un futur possible. Donc, vaut mieux pas trop rêver à gagner le million. Exact. Rêve que t'es pauvre. Je ne dis pas « parle, moi je suis pauvre, moi je suis une pauvre ». C'est pas ça. Assieds-toi, puis rêve pas de la richesse et de la grandeur. Rêve à de la pauvreté. Et quand il restera que la richesse dans laquelle tu n'auras pas cheminé, bien l'astral, pour t'avoir, donner de l'argent. Il faut pas... Et là, tu vas être fait. Ah, qu'est-ce que tu veux? L'astral, c'est comme de l'homme, ça n'a pas d'intelligence. Alors, c'est très facilement manipulable quand on connaît sa mécanicité, quand on connaît ses lois. Et c'est un moyen de cheminer dans des futurs possibles pour les éliminer. Si tu rêves que tu es pauvre avec, je dirais, pas suffisamment de conviction, est-ce qu'il ne peut pas t'arriver qu'on te montre qu'est-ce que c'est être pauvre pour que oui. Tu saches que c'est... Tu ne peux pas intellectualiser la pauvreté. Tu dois émotiviser la pauvreté. Il faut réellement que tu vibres, que tu sentes les mêmes émotions que si tu étais réellement pauvre. Oui. Faut que tu le sois, là, quand tu l'es. C'est très, très, très, très simple à faire. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a une nuance entre intellectualiser la projection et émotiviser la projection. C'est un voyage dans le monde astral de futurs qui te sont possibles et tu chemines dedans. Un exemple, tu chemines à travers différents futurs possibles de pauvreté. où tu perds ta, ce que tu as déjà, où tu perds ta maison si tu en as une, où tu en as jamais, où tu es dans un 3,5, dans un 2,5, dans un 1,5, finalement dans le demi. Et puis, tu as des contraintes radicales. Dans la piscine de la demi. À un moment donné, il arrive quoi? Il arrive un moment donné dans ta vie que tu te rends compte qu'on te donne un emploi qui te triple ton salaire. N'en fais pas cas. Oublie ça. Travaille, regagne ton argent, puis continue à rêver la pauvreté. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain, il va par exemple gagner 50 000 à la loterie, puis là, tous les rêves qu'il a faits, là, c'est fini. Yeah! Là, il rêve juste des projections d'avenir intéressantes pour lui, qu'il va d'ailleurs éliminer. Alors, il vient de se faire avoir. Alors, c'est évident, ça marche. Ce que je dis là, ça fonctionne. L'astral étant une mécanicité qui pervertit et qui est pervertie et qui veut pervertir l'homme, si l'être humain envisage des futurs... Quand j'étais jeune, j'avais expérimenté ceci. Il faut réellement être stupide et con pour expérimenter ça. Je volais des biscuits dans l'armoire, dans la maison. Et à un moment donné, quand j'entendais mes parents rentrer, ah là, la boîte, je te fermais ça à toute vitesse, puis je me dépêchais, mais je me faisais toujours pincer. Alors finalement, j'ai voulu expérimenter la chose. Si je ne vais lentement, ils ne pinceront peut-être pas. Alors je fouille dans mes biscuits. D'un coup, j'entends mon père rentrer dans la maison. Là, je prends bien mon temps. Je mets mon biscuit sur le comptoir. Je ferme le couvercle de la boîte. L'autre, il s'en venait. Je serre la boîte lentement. Je ferme la porte. Je prends le biscuit. Je le cache. Puis mon père, ben, il arrive. Puis effectivement, chaque fois que j'ai pris mon temps, je ne me suis jamais fait pincer. Mais chaque fois que j'ai été vite, oh là, oui, j'allais jamais assez vite. Il y a énormément de paradoxes de ce genre au niveau de l'évolution, au niveau des sphères astrales. Étant donné que j'allais lentement, mon père ne pouvait pas me pincer, parce que astralement, j'exprimais l'idée que j'avais le droit. Et mon père, il ne stressait pas de venir me pincer. Il n'y avait aucune information qui lui disait qu'il pouvait venir me chicaner. Mais quand je faisais ça vite, je ne savais pas pourquoi. Mais au lieu d'arrêter dans telle pièce ou d'accrocher son manteau, ben, il venait directement dans la cuisine. Et là, je me faisais ramasser. Il y a énormément... L'astral fonctionne contre l'homme. Par contradiction. Contre lui. Oui. Tu dois sécréter. C'est le secret de l'évolution archangélique. Alors, si tu t'arranges pour sécréter déjà une chose à travers ta vie, en émotivisant un futur possible, il sera banni. Tu ne le vivras pas. Et en plus, si tu le vis plusieurs fois, les gens vont dire, cesse d'y penser, tu vas l'attirer. Et j'ai passé mon temps à me lever contre ce genre de farce. Tous ceux qui rêvent à gagner, ne gagnent pas. Ceux qui rêvent à perdre, perdent. C'est comme si juste le négatif venait. C'est pas parce que l'humain y pense beaucoup que ça arrive. Non. Ce qui arrive, c'est jamais ce que l'humain pense. Alors, pense que tu ne veux pas qu'il arrive. On dit toujours que la vie est pleine de surprises. Donc... Ben, ça va de soi. L'astral s'organise pour travailler contre l'homme. Alors, tu chemines émotivement dans des futurs que tu ne veux pas et n'en parle pas après. Ah oh, là, j'ai cheminé dedans, là, ça ne m'arrivera plus. Il ne faut pas crier victoire. Puis... Je connais quelqu'un qui criait victoire comme ça. Mais c'est parce qu'il était relié de l'intelligence. L'intelligence a horreur d'un égo. Alors, il a dit, moi, je peux plus être malade maintenant. Je suis rendu à un niveau d'évolution, là. Je peux plus être malade. Le lendemain, il était malade. Il a rampé jusqu'au centre. Il est venu me jaser. On a parlé une heure de temps. Puis il a compris comment il était orgueilleusement égoïsé. Puis il était plus malade après. Je ne l'ai pas guéri, c'est lui. Il n'y a plus de raison intelligente. Il avait compris que plus jamais il dirait des conneries inutiles. Faut pas que tu mettes l'astral au défi. C'est l'intelligence, là, qui est mis au défi. L'ego a dit qu'il n'a jamais pu, l'ego, que le corps serait malade. C'était intelligent, t'es millionnaire, tu dis pas, hey, je suis millionnaire, t'en fous, la garante, t'es intelligent. Si t'es ordinaire, normal, tu peux peut-être le dire en t'achetant 5-6 autos. Bon, tu le dis pareil, deux piscines, tu le dis pareil. Bon, mais si t'es intelligent, rien à voir. Alors, t'es toujours en santé, tu seras jamais malade. À quoi ça sert de le dire? Et c'est de l'ego qui va le dire. Tu sommes ta boîte, t'en profites. Si t'as de la puissance et de l'ego, tu peux tout passer à l'épreuve avec intelligence. Pose question. Vas-y. Qu'est-ce qui a créé l'électron? Ben, l'électron, c'est quelque chose d'aussi conventionnel que le proton, que toutes les sphères des maisons, des particules subatomiques, des gluons qui additionnent tout ça ensemble. Alors, si on pose la question, qu'est-ce qui, du point de vue de la matière, c'est de l'énergie simplement qui, exprimée dans des conditions particulières de l'espace-temps, engendre des phénomènes qui, en réaction immédiate à ce qui est engendré similaire à eux autres, parce que dans l'univers, tout est question de guerre. L'univers, au cours de toute la création complète, a toujours été en guerre, et parce qu'il y a un équilibre des forces qui s'installe après quelques secondes, après une projection créationnelle, eh bien, l'équilibre est appelé l'harmonie, est appelé la paix. Ça reste une guerre. Votre corps physique est en équilibre, il est en santé. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un virus dangereux rentre, un virus de votre corps dangereux pour lui le tue. C'est de l'équilibre. Vous êtes donc tout le temps malade et toujours en train de régler la maladie. Donc, vous êtes ce qu'on appelle en santé, état de guerre. Lentement, si vous n'avez aucun agresseur, vous allez vous-même vous agresser et vous risquerez d'être malade. Si vous avez trop d'agresseurs, vous serez malade aussi, état de guerre. L'électron est apparu en même temps, en termes de particules subatomiques, dans une certaine chronologie après le début de la création, qui varie de quelques milliards de secondes à quelques milliards de secondes, et les particules que l'on connaît sont apparues. Si on pose c'est de l'énergie qui se densifie dans une courbure spatio-temporelle particulière. Si on pose la question, qu'est-ce qui, en ce sens, au niveau de la cause intentionnelle, on pourrait poser la question voulant dire, qui a créé l'électron? Il n'y a pas de qui. La création est un accident, c'est accidentel, et ce sont des causes qui ne sont que mécaniques. Alors, l'électron lui-même, comme le reste des particules subatomiques, provient d'une densification énergétique qui, elle, provient de l'expression d'une supraénergie, qui, elle, provient d'une friction entre deux continuums qui n'existent que l'un par rapport à l'autre et qu'on appelle le temps et l'espace, qui n'existent pas au-delà de la création. Une longue question. J'arrive pas à comprendre les gens qui suivent les saintes écritures, font des sacrifices pour tous, pour servir leurs chiens, sont prêts à mourir pour Dieu, pour eux, c'est la seule et unique voie s'imaginant être réalisé pleinement, toujours selon leur intelligence. Pour en arriver à se faire siphonner par le monde de la mort, c'est comme recevoir une fourche en plein, je saute une mot. Pour toute cette discipline qu'ils ont suivie, toute leur vie, y a-t-il seulement que le monde de la mort qui hérite de quelque chose de bénéfique? Ou quelque chose de bénéfique les attend-il dans une autre vie qui vont les aider à évoluer avec moins de torture que la vie précédente? Ces individus-là travaillent pour nous. Alors, toutes les manipulations astrales sont suffisamment nourries par ces individus-là, ce qui libère ceux qui peuvent avoir accès à de l'intelligence. Les individus ne sont pas nécessairement des cons, ça n'a rien à voir. Par contre, ils ont un ego et un astral qui est hautement en affinité avec les sphères théologiques astrales, et ils se laissent donc manipuler par eux. C'est pourquoi ils seront donc en affinité avec ce qu'ils appellent les saintes écritures, qui ne sont finalement que de l'encre sur du papier comme le reste. Et cela libère énormément d'humains des sphères et des contingences manipulatrices astrales. Cela donne des humains qui ont la faculté de devenir plus ou moins athées, ou finalement de devenir conscients. Les êtres humains qui sont conscients vont nécessairement être ceux qui vont traverser. Traversant les étapes futures de notre univers, de notre évolution planétaire plutôt, eh bien, ces personnages-là qui vont traverser, ceux qui ne sont pas confinés à un assujettissement comme celui-là, vont engendrer nécessairement des races qui vont pouvoir, par la réincarnation, recevoir les individus qui sont ici. Alors, ces individus-là sont exactement comme les personnes qui vont sur le champ, sur le front, qui meurent sur le champ, et qui, finalement, se réincarnent à travers les sociétés qui, par la suite, ont réglé leurs problèmes par la guerre. Alors, ils ont donc un rôle absolument fondamental. L'alcoolisme paye le karma collectif de nos sociétés. Lorsqu'il meurt, il revient dans une société qui a continué à grimper. Pourquoi? Parce qu'au lieu de diviser également le karma sur tout le monde, ce qui aurait empêché tout le monde d'avancer aussi rapidement, il y a des individus qui ont comme fonction de ramasser les grands problèmes d'une société, libérant d'autres, et les autres travaillant nécessairement ne s'occupent pas toujours de ceux qui sont karmiquement les supporters nationaux. Sauf que dans d'autres vies, ceux-là se réincarnent dans des sociétés, dans des mondes qui sont de plus en plus intelligents. Alors, c'est ce qui arrive avec ces personnes. Si quelqu'un sur une étoile voit la lumière de la Terre lui parvenir après 4,5 milliards d'années, il en déduit qu'elle n'existe plus, comme nous déduisons que l'étoile n'existe plus. Existons-nous donc juste par rapport à nous? En fait, nous sommes déjà autant passés que l'étoile est donc contemporaine à elle, et elle n'est pas dans notre passé. N'est-elle pas dans notre passé? Non. Si un observateur sur un autre système observe la planète Terre actuellement et qu'il voit la lumière et que son système se trouve à 4,5 années-lumière de notre système, ce qu'il va voir, c'est la Terre en création. Il en déduira que ce qu'il voit n'existe plus. Et il aura raison, ça fait 4,5 milliards d'années que la Terre n'est plus créée. Si notre individu prend un télescope et qu'il aurait une puissance de télescope suffisamment puissante pour voir les humains sur la planète, il ne verrait pas d'humains, il verrait simplement une boule de feu en train de se refroidir. S'il est suffisamment intelligent, eh bien, il va pouvoir additionner 4,5 milliards d'années. Et s'il est suffisamment intelligent, il aura l'expérience de sa propre planète et il saura que ça prend approximativement quelques milliards d'années avant qu'une structure biologique organique, enfin adaptable à l'intelligence ou à la conscience, puisse apparaître. Alors, il aura simplement l'idée de dire où la planète n'existe plus, où présentement elle est à une étape, elle est rendue dans une étape spatiale, et je ne peux pas le voir. Il faudrait que je voyage chez elle pour la voir, parce qu'avec la lumière, je ne vois que la mémoire du passé de 4,5 milliards d'années. Donc, les planètes et les étoiles que nous voyons aujourd'hui, certaines n'existent plus, et d'autres existent. Mais ce que nous voyons n'est absolument pas ce qu'ils sont. C'est juste là qu'est la nuance. Nous existons dans le même continuum de passé l'un pour l'autre. La seule chose qu'il y a, c'est que tant que nous sommes asservis à voir d'une façon astrale et collective, ce que nous verrons de l'autre planète sera ce que la majorité d'entre les hommes verront de l'autre planète. Parce que l'être humain arrivera à être son seul maître et avoir une conscience individuelle, donc une conscience solitaire. Ce qu'il verra d'une planète sera ce qu'il voudra voir d'une planète. Et ce ne sera pas soumis à ce que les autres voient. Un chef, ça ne se forme pas, ni à Montebello, ni ailleurs. On est chef comme toi, on ne le devient pas. Ceux qu'on forme, c'est des aides de camp. Les vrais chefs se reconnaissent entre eux et actuellement ne peuvent travailler ensemble. Quand ces vrais chefs vont pouvoir travailler ensemble, tous les aides de camp vont se révéler. Est-ce l'intelligence qui actuellement empêche les vrais chefs de travailler ensemble? Bon, quand on parle de former un chef, nécessairement, la personne qui écrit cela a la raison. La seule chose qui lui manque, c'est que quand on parle de former un chef, c'est de donner de l'expérience à quelque chose de déjà formé. Quand je dis que la génétique est importante, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas former une génétique. Par contre, une personne qui est un leader peut faire un paquet d'erreurs. Elle peut donc apprendre. Une personne qui est en affaires, elle peut foncer en affaires, mais elle peut avoir intérêt à apprendre la comptabilité, à apprendre l'anglais ou le français ou une autre langue. Donc, elle peut être formée. Pas pour être un chef, mais formée. L'individu ici pose la question. Les vrais chefs se reconnaissent entre eux et actuellement ne peuvent travailler ensemble. Cela est faux. Présentement, les vrais chefs ne se reconnaissent pas entre eux. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas travailler ensemble, dans la majorité des cas. Il y a des rares exceptions qui sont en train d'apparaître au Québec, de rares exceptions. La majorité de ceux qui ont la faculté de grimper sont des martyrs de transition. Et eux ne peuvent pas travailler ensemble pour la simple raison qu'ils ne reconnaissent pas chez autrui de l'intelligence. Ils vont reconnaître une certaine forme d'intelligence chez certaines personnes, mais ils ne pourront pas accepter la discipline de l'autre, alors ils ne pourront pas travailler l'un avec l'autre. Toutes les aides de camp, bon, quand ces vrais chefs vont pouvoir travailler ensemble, tous les aides de camp vont se révéler. C'est spirituellement vrai, mais c'est cosmiquement faux. Est-ce l'intelligence qui actuellement empêche les vrais chefs de travailler ensemble? L'intelligence, elle a besoin de quelques milliers de martyrs de la transition. Lorsqu'elle les aura, les autres seront libres de devenir des êtres libres, de devenir des êtres nouveaux, sans avoir à passer par les phases de solitaire de l'évolution, où finalement, malgré que nous soyons intelligents, nous ne puissions pas travailler ensemble. La majorité de ceux qui ont passé en premier ont conservé de l'ego. Et c'était la seule façon, dans la majorité des cas, qu'ils avaient pour pouvoir supporter un peu d'intelligence, pour la simple raison que s'ils perdaient leur ego, l'intelligence n'ayant pas d'ajusteur de pensée suffisamment expérimenté à l'échelle de l'homme, n'aurait jamais pu permettre à des humains avec un contact sans ego d'être ajustés au public. Leur laissant un ego, ils permettaient à la race humaine de conserver de l'ego, et la majorité de ces êtres humains qui sont les martyrs de la transition dans mon vocabulaire à moi, sont des êtres humains qui amènent de l'intelligence, qui l'attirent sur la planète, et qui ne peuvent à peu près pas l'appliquer. Ne pouvant l'appliquer, ils l'expriment à l'extérieur d'eux. L'exprimant à l'extérieur d'eux, ils instruisent le monde de la mort, donc ils instruisent les dieux. Et ces dieux-là sont ceux qui instruisent le reste de l'humanité. Et le reste de l'humanité n'a pas accès à l'intelligence supramentale encore parce qu'il n'est pas suffisamment vibratoire pour avoir accès à cette intelligence. Donc, les quelques personnes que l'individu appelle des chefs ici, ce sont des chefs qui n'auront jamais d'Indiens. Bon, alors ce ne sont pas des chefs. Ce sont des personnages parmi vous autres. Et ces personnages ont comme fonction d'amener l'intelligence dans le monde de la mort pour que le reste de l'humanité puisse y avoir accès d'une façon spirituelle. Il y a d'autres individus qui vont refuser d'être des martyrs de la transition et qui vont être capables de travailler ensemble, côte à côte. Mais travailler ensemble ne veut pas dire colorer ses énergies. Et il y a donc une partie de la formation d'un individu vers son état de seul maître qui l'oblige à ne pas être capable de travailler avec un autre, exclusivement parce qu'il n'est pas encore suffisamment solide du point de vue de son ego et qu'il pourrait facilement se faire colorer. Il y a des façons de travailler avec un individu sans se faire colorer. Il y a des façons de diriger des réunions d'affaires où chaque individu reste autonome. Il y a des façons de paramétrer le travail ensemble, mais pas comme l'homme du poisson le faisait. Mais jusqu'à date, la majorité de ceux qui sont appelés chefs dans la question et qui ne peuvent pas travailler avec d'autres sont des individus qui n'ont pas voulu se pencher sur le solutionnement de cette problématique des êtres qui deviennent intelligents et parce qu'ils sont intelligents, souffrent plus, ne peuvent plus travailler avec personne, trouvent imbéciles les animaux humains, trouvent inappropriés et inajustés les autres de leur du même clan qu'eux autres et se ramassent seuls dans leur coin. Le chef qui ne veut pas travailler avec un autre chef n'est pas un chef ou il est un chef pycéen. Il n'a pas d'intelligence, un ou l'autre. Il y a donc deux facettes. Martyr de la transition essentielle pour instruire le monde de la mort. Celui qui est intelligent ne le fera pas. Celui qui est intelligent et a de l'ego est manipulé. À son insu, il le fera. Et il y a celui qui ne peut pas travailler avec quelqu'un temporairement parce qu'il doit préserver son intégrité de façon à ne pas être coloré par les autres. Et là, il y a des moyens de pallier à cette problématique. À la conférence de la semaine dernière, tu nous as expliqué que si on faisait plusieurs trous dans une plaque, on essaie de pour faire passer l'électron, l'électron allait être imprimé sur la plaque à tous les endroits en arrière. C'est-à-dire qu'elle allait passer par tous les trous en même temps. C'était, tu disais à ce moment-là, pour nous faire plaisir, on a une question ici. Si l'électron passe par tous les trous en même temps pour nous faire plaisir, on fait donc nous-mêmes exister la création pour se faire plaisir. Exact. La réponse est courte. Un électron passe par tous les trous en même temps. On l'avait expliqué la semaine passée, c'est parce que l'électron était partout à la fois. C'est des expériences d'astrophysique qui ont été faites. Alors, ils prennent un électron, par exemple, une particule atomique, et puis ils la lancent. Et la particule, elle arrive à trouver le trou dans une plaque et elle traverse. Alors, les savants se demandent comment l'électron, par exemple, fait pour trouver le trou et passer par le trou. Alors, ils ont changé le trou de place et malgré ça, l'électron traverse. Ils trouvent les trous. Alors, ils ont fait plusieurs trous pour voir quel trou l'électron choisirait. Ils se sont rendus compte que l'électron passait par tous les trous. Et ils ont fait plusieurs expériences dans ce genre pour vérifier des dires. Et finalement, ils se rendent compte qu'effectivement, l'électron présente toujours ce que l'observateur veut avoir. Alors, ils en arrivent à la conclusion très scientifique et astrophysique que l'électron veut nous faire plaisir. Pourquoi naît-on jumeau, jumelle ou bosson? Je suis jumelle avec un garçon. Tu as déjà dit qu'il y avait deux sortes de suicides. L'un idiot, l'autre intelligent. Veux-tu expliquer? J'ai dit qu'il y avait deux sortes de suicides. Un logique et un stupide. Pourquoi naît-on jumeau ou jumelle? Simplement parce qu'on est jumeau ou jumelle. Hein? Pourquoi ne naît-on pas jumeau ou jumelle? Parce qu'on ne naît pas jumeau ou jumelle. Quand on parle, par exemple, de vrais jumeaux, eh bien, il y a une réincarnation pluralitaire qui fait en sorte que les deux corps étant identiques du point de vue de la naissance, on fait en sorte que c'est exactement les deux mêmes individus qui se réincarnent l'un dans l'autre. Mais étant donné que normalement, il y aura un déphasement du point de vue de la vie dès la naissance, c'est-à-dire que les deux ne pourront pas sortir en même temps, même dans une césarienne, on va prendre l'un des bébés avant l'autre. Alors, immédiatement, étant donné qu'il y a un déphasement dans la structure du plan de vie, à partir de la naissance, les deux jumeaux peuvent avoir une tendance à s'individualiser à travers le temps. Bon. Mais dès la fécondation et au niveau du travail intra-utérin, c'est un individu réincarné dans deux corps physiques qui habitent la mère. En double ou moitié-moitié? En double. Des copies. Si c'est des quintuplés, il y aura un individu dans cinq corps. Multiplié par cinq. C'est ça. Donc, il y aura cinq fois, c'est un clone. Pas un clown. Quand il vient au monde, nécessairement, il y a un effacement temporel, ils ne peuvent pas naître en même temps. Et à partir de là, si on cultive cette chose-là, on en fait deux individus séparés. Pourquoi? Parce que le plan de vie est différent. Le canal réincarnationnel, ajusté par des aides contrôle, va devoir travailler différemment. Et là, on aura deux individus qui deviendront totalement différents. Ça a déjà dit qu'il y avait deux sortes de suicides, l'un idiot, l'autre logique. Un suicide n'est jamais intelligent, il peut être logique. Le suicide logique n'apparaît que chez l'enfant nouveau. Il n'apparaît pas chez l'adulte. L'adulte a toujours un suicide idiot. Mais quand on dit idiot, je prends le terme sur ici, c'est qui est sur le papier, ce n'est pas péjoratif. L'individu qui se suicide n'est pas un idiot. Il est un facteur manipulé, un facteur qui supporte une partie du karma collectif, et il s'en va dans un monde où il se réincarnera, possiblement encore une fois, dans des mémoires de suicidés, et peut-être qu'il pourra faire ça pendant quelques millions d'années. Bon, ça peut l'occuper. Maintenant, un individu correct peut, d'un moment donné, réincarner des personnalités de suicidés et devenir suicidaire, à tendance au suicide. Et il peut aussi parvenir à éliminer, donc à s'exorciser lui-même et à régler ce problème-là. Le suicide logique, c'est un suicide de propagande qui existe chez l'enfant nouveau. Alors, prochainement, je vais mettre sur le marché un livre, justement, pour expliquer un peu ce suicide logique de l'enfant nouveau, où on a simplement un enfant qui a de l'intelligence. L'intelligence est différente de l'intellectuance. L'intelligence, ça permet de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on a un enfant qui, de plus en plus, voit que ses parents sont finalement très contradictoires. Il voit ses parents se chicaner pour un morceau de vaisselle pas faite, ou pour une sortie au cinéma, ou parce que la bonne femme a trouvé un cheveu sur le veston du bonhomme, ou pour un paquet d'imbécilités comme ça. Lentement, l'enfant nouveau va voir qu'un paquet d'enfants se chicanent pour une gomme à mâcher, qui vont triper à regarder un film absolument idiot comme... bon, je dirais pas le nom, mais ça joue souvent au Canal 17. Et puis, lentement, l'enfant nouveau va se rendre compte de plus en plus qu'il est dans une espèce de société de menace, où tout est pogné, où il doit apprendre à être poli, à dire à quelqu'un que son chapeau qu'il lui trouve laid, il faut qu'il dise qu'il est beau. En même temps, on le chicane s'il dit des mensonges. Alors, il faut qu'il dise des mensonges pour être poli, mais il ne faut pas qu'il en dise quand c'est les parents en disent devant les autres. Finalement, l'enfant nouveau finit par se rendre compte que le monde dans lequel il est un monde d'imbéciles. Dans ce monde, l'enfant nouveau sait très bien qu'il ne peut pas changer de parents, alors que les parents changent d'emploi comme ils veulent, ils peuvent déménager, ils peuvent changer de mobilier de chambre, ils peuvent tout changer ce qu'ils veulent. Et l'enfant nouveau, lui, est totalement restreint, il ne peut pas changer d'école, il ne peut pas changer de parents, il ne peut pas changer de frère, il ne peut pas changer de sœur, il ne peut pas changer de mobilier de chambre, il n'a pas le choix total. En plus, bien souvent, les familles vont traiter l'enfant nouveau comme un enfant, c'est-à-dire que l'enfant, dans une famille, bien souvent, n'est pas un être à part entière, qui a le droit d'avoir sa pièce, à sa manière. Bon, il faut qu'il fasse sa chambre comme la mère, elle veut, mais pas comme lui veut. Il n'a pas le droit de faire des erreurs, bref, on le traite plutôt comme un animal à travers le lot, et de temps en temps, on joue dans ses cheveux quand on a besoin de le téter. L'enfant nouveau, lui, va finir par refuser totalement ce monde, et il va vouloir le changer. Nécessairement, il est tout à fait anti-tradition, donc il ne peut pas, il n'ira pas à l'église, ne comptez pas sur lui pour ça, s'il va, il va faire des mauvais coups, il va prendre de l'argent dans le panier au lieu d'en mettre. Il ne pourra pas accepter des structures scolaires conventionnelles, parce que la majorité des structures scolaires sont absolument aberrées. Ça s'adresse à l'animal humain, mais pas à l'être humain, et surtout pas à l'enfant nouveau. Et lentement, bien à travers cela, on fait une grande publicité sur le monde de la mort, où on va lui dire, non, grand-maman est partie pour un monde meilleur, on va lui dire, etc. Alors lentement, il apprend qu'il y a le ciel, le paradis, les anges, on joue de l'harpe, on n'a plus jamais de souffrance, on a des ordinateurs si on en veut. Alors avec une grande propagande d'un monde meilleur, pour y aller, faut que tu meurs, et avec l'absurdité du monde actuel, ça devient absolument logique de se suicider, pour tenter sa chance de l'autre côté. Et comme je l'écris dans le livre, eh bien, il y a une chance sur deux pour l'enfant nouveau. Lui, il voit une chance sur deux d'améliorer son sort. Et n'importe quel joueur ou mathématicien va vous dire que si tu as une chance sur deux de t'en sortir, tente ta chance. C'est ce qu'il fait, il se suicide. Alors, ce n'est pas un suicide émotif, c'est un suicide logique, qui reste aussi imbécile du point de vue cosmique. Mais pour l'enfant nouveau, c'est logique. Par raisonnement, il arrive à cette conclusion. Et c'est tout à fait logique. Si quelqu'un s'en égoïse et qu'il n'a pas les neurones suffisamment puissantes, qu'advient-il de cette personne? Il n'y a pas de problème, il ne s'en égoïse pas. Pour s'en égoïser, il faut un contact avec un ajusteur de pensée, branché sur une force supplémentale, et pour que cela se fasse, il faut des neurones suffisamment solides, il y a un système endocrinien suffisamment correct, alors nécessairement, il n'y a aucun problème. Si ça se fait, ça se fait. Les forces cosmotelluriques entraînent des ondes de vie et des ondes anti-vie. Ceci est-il applicable à l'humain? Exemple, une personne cancéreuse est-elle une zone humaine anti-vie par son rayonnement énergique par rapport à une personne saine qui l'entoure, devient-elle une têteuse d'énergie dans son milieu? Dans son milieu, là, pour les autres. Bon, la question est relativement dangereuse, ça va de soi. Autrement dit, la question, ça serait de devenir pas malade. Parce que si la réponse est oui, on va vous laisser là, puis on n'ira pas vous toucher, vous allez nous têter. Chose certaine, c'est que tant que l'animal humain vit, effectivement, c'est quand même ce qui arrive. Donc, l'individu qui s'approche d'une personne qui est malade doit s'arranger pour être vestimentairement vêtu d'une façon endoformique assez puissante pour émettre de suffisamment d'énergie pour que l'individu malade puisse la récupérer sans prendre d'énergie de celui qui visite. Est-ce que c'est un peu ce qui explique qu'une personne qui sort de l'hôpital, qui a subi une opération ou quoi que ce soit, le lendemain, à la maison, paraît 10 fois mieux qu'elle était la veille parce qu'elle était à l'hôpital? On dirait quand on est à l'hôpital, on est malade. C'est dans un milieu de tête. Parce que tout le monde qui est là. Ben, les murs ont besoin de ton énergie, la chambre, le mobilier, les lits, tout a besoin de ton énergie. Il ne devrait pas interdire les visites? Quand ce ne sera pas intelligent de ne pas aller visiter les malades? Non, ça serait intelligent pour nous, mais pas pour le malade. Lui en a besoin. Les enfants qui ont le syndrome de Williams ont une évolution descendante ou ascendante? Ils ont une évolution problématique. Ce n'est pas descendant, ce n'est pas ascendant, c'est transitif, c'est-à-dire que ça fait partie des transitions au niveau des races, et c'est les enfants qui ont ce genre de syndrome. Ce sont des enfants qui ont des phénomènes réincarnationnels qui proviennent de différents systèmes astrales. Et c'est un phénomène transitif. J'ai expliqué à un moment donné, la semaine dernière ou la semaine d'avant, que je ne veux présentement pas trop en parler. Pourquoi? Parce que ces enfants, il y en existe quelques-uns au Québec. Et nécessairement, à un moment donné, eh bien, ça peut arriver à l'oreille des parents. Et les parents ne sont pas nécessairement préparés à savoir ce qui arrive à leurs enfants. C'est comme à un moment donné, j'ai parlé de l'autistique, qui était un refus de réincarnation. Donc, les entités qui habitent ces enfants sont toujours dans le monde de la mort et ne veulent pas se réincarner. Alors, l'enfant est toujours dans un monde à lui, c'est-à-dire qu'il est toujours branché au monde de la mort. Et on doit travailler avec l'enfant de façon à couper le canal réincarnationnel ou à l'étrangler suffisamment pour obliger les entités réincarnationnelles à accepter leur réincarnation, ce qui n'est pas le cas dans les enfants autistiques. Bon, au niveau du syndrome de Williams, au niveau de ce genre de choses qui donnent des symptômes pathologiques qui semblent intéressants du premier regard pour l'humain, mais pas nécessairement pour l'enfant, parce que c'est facile d'avoir, par exemple, un ouïe extrêmement plus sensible. Mais est-ce que tu es capable de contrôler la sensibilité de ton ouïe? C'est autre chose. Ça peut te déranger. Ça peut même te rendre fou. Alors, il y a des raisons cosmiques, il y a des raisons extrêmement intéressantes, mais à un moment donné, peut-être que j'en parlerai, mais pour l'instant, ce n'est pas le temps de parler trop du syndrome de Williams. Ça pourrait trop altérer les parents. Le concept du double ne fait-il pas partie de la nouvelle histoire de la sixième race pour donner à celle-ci une nouvelle impulsion d'expression dans le nouveau cycle? Non, pour la simple raison que le double, c'est évident que le double, lorsqu'on en parle, ça engendre des concepts, une conceptualisation au niveau des phénomènes de l'immortalité, sauf que le double est une chose qui est aussi conceptuelle que le corps physique, donc si le corps physique, on peut le considérer comme étant réel, le double est aussi réel. Le concept du double ne fait-il pas partie de la nouvelle histoire de la sixième race pour donner à celle-ci une nouvelle impulsion d'expression dans le nouveau cycle? Ça va faire partie de cela parce que l'humain s'en servira pour ça. Au sujet de discipline, parlez-vous de conduite personnelle, d'autodiscipline, sévérité avec soi-même, ou de contribution à un groupe, de loyauté, de parole donnée, de fiabilité, etc.? Je parle exclusivement d'une discipline personnelle. Si tu donnes ta parole, tu vas la tenir. Mais ça n'a rien à voir avec une discipline au niveau d'un groupe, que parce que tu en fais partie, tu dois tout faire ce que le groupe a dit. Par contre, lorsque l'individu, c'est très, très, très, très simple l'idée. Tu as suffisamment de discipline. Tant que le groupe accomplit des choses intelligentes dans le sens où tu vois de l'intelligence, il n'y a pas de raison de lâcher le groupe. Quand le groupe commence à divaguer, il y a toutes les raisons du monde de lâcher le groupe. Mais ta discipline à toi, c'est que lorsque tu as décidé ou donné ta parole, tu accomplis. C'est une discipline qui est personnelle et c'est surtout la discipline de son ego que l'on doit s'implanter. C'est simple. Si au moment où tu as donné ta parole, c'est intelligent de le faire, puis le moment où tu devrais poser le geste, ce n'est plus intelligent de le faire. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que tu donnes ta parole, c'est intelligent de le faire. Deux semaines après, c'est le temps de le faire, mais ça ne te tente plus. Ah, ça, c'est une autre affaire. Là, c'est la discipline de l'ego que tu n'as pas. C'est pas la même chose. Mais s'il y a réellement une bonne raison de ne pas le faire, tu ne le fais pas. Il n'y a aucune loi, aucune parole qui va supplanter l'intelligence. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu parler de la couche d'ozone. Peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est exactement, son impact présentement et dans un futur plus ou moins rapproché? L'humain a été un enfant pendant longtemps. Là, on est en train d'ioter sa couche. C'est sûr. Sa couche d'ozone? Ah oui, c'est ça. Alors, c'est parce qu'il se réveille un peu. Peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Bien, la couche d'ozone, c'est une couche d'une molécule d'oxygène, O3. Donc, c'est trois atomes d'oxygène qui sont placés en triangle. Le triangle n'a rien d'ésotérique, c'est parce qu'il ne peut pas se passer autrement. Et puis, ça engendre une structure moléculaire qui a la faculté de filtrer, c'est-à-dire de faire en sorte que les rayons ultraviolets, lorsqu'ils frappent la couche d'ozone, sont réfléchis à l'extérieur de notre système atmosphérique. Et il y a un peu qui passe à travers les trous. Et en même temps, la couche d'ozone, elle permet aussi à l'énergie supramentale d'être réfléchie ou d'être absorbée dans les hautes sphères de notre biosphère. La couche d'ozone, présentement, elle est altérée. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de produits chimiques qui sont largués à l'échelle de notre atmosphère et ces produits-là réagissent avec la molécule O3 pour en faire une autre forme de molécule, ce qui fait que O3 étant réagissant disparaît. Disparaissant, les rayons ultraviolets traversent. Et on approche donc d'une phase d'initiation solaire à l'échelle de la planète où justement l'homme devra s'arranger pour avoir un corps qui va résister. Cela fait partie des structures inconscientes de l'évolution de l'homme qu'on appelle la pollution, mais qui est une bonne chose au point de vue de l'évolution. Une mauvaise chose du point de vue des forces astrales. Parce que les rayonnements ultraviolets ont aussi tendance à allier les molécules d'oxygène, les molécules de carbone, ils font réagir à plusieurs choses. On sait déjà ce que ça peut faire au niveau de la photosynthèse, pas au niveau des plantes, et ça va aussi transformer les structures astrales en transformant les molécules de notre atmosphère qui contiennent atomiquement les mémoires astrales. Alors ça va aussi venir pilonner le monde de la mort. Mais en même temps, ça pilonne tout ce qui est assujetti au monde de la mort, en l'occurrence, tant que le corps physique est assujetti à l'ego et au monde de la mort, il faudra qu'on se mette pas mal de crème. Peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est cela. La couche d'ozone est détruite au-dessus de grandes villes comme Moscou, comme Montréal. Elle est détruite au-dessus des deux hémisphères présentement, surtout. Elle est détruite au-dessus de certains autres continents. Et elle a une tendance à être de plus en plus détruite parce que nous continuons à brûler, par exemple, les emballages en synthétique, style McDonald's ou style plusieurs produits que nous allons prendre, les emballages de liqueur, par exemple, les les verres style styrofoam, mais c'est plus tout à fait du styrofoam aujourd'hui. Et quand on brûle ça dans les incinérateurs, eh bien, ça fait des produits qui réagissent avec O3. Il y a énormément de systèmes de propulsion aéronautique qui détruisent l'ozone. On avait dernièrement, pendant longtemps, dans les petits aérosols, le propulseur de l'aérosol était aussi un gaz qui réagissait avec la couche d'ozone, donc elle la détruisait. Alors, dans un futur plus ou moins rapproché, ben, nécessairement, il y aura plus d'ultraviolets sur le plan planétaire, il y aura plus d'énergie supramentale qui va être traversée parce qu'elle sera moins filtrée, donc il y aura de plus en plus amélioration de certaines personnes et il y aura destruction ou pathologisation de certaines autres personnes. Donc, est-ce que ça va aider le contact supramental? Oui. L'être humain, par contre, le corps physique va devoir muter parce que l'ultraviolet avec la rétine, par exemple, ce que ça fait, pas juste la rétine, mais la peau complète, les cancers cutanés. Tu sais, il y a une chose qui ne doit pas être premièrement certainement évident, que les personnes qui font tout ce qu'ils peuvent pour se faire griller tous les années, même si ça recommence tous les années, ces personnes-là vont finir par devoir comprendre que le soleil, ça sert à autre chose qu'à cela. Parce que tous ceux qui se font bronzer régulièrement, soit dans des machines, même si on filtre certains UV et qu'on en laisse passer d'autres, lentement vont endurcir leur cuir, leur peau. Ils vont la rentrer, ils vont créer des filaments dedans, ils vont la rendre de plus en plus vieillissante. Et d'ici quelques années, les personnes qui ont tout fait pour être jolies vont devoir faire comme beaucoup de personnes font hélas aujourd'hui, se maquiller. Et ils devront en rajouter, parce que le maquillage détruit aussi le corps physique, alors plus tu te maquilles, plus faut que tu te maquilles. Et à un moment donné, eh bien, ils vont être un égoïsés. Comment savoir si l'on fait partie de ceux qui sont capables génétiquement d'aller très loin dans l'évolution? On n'a qu'à aller jusqu'où on peut aller. Pas besoin de savoir si on peut aller plus loin. On va se rendre compte quand on est au bout. On n'a rien qu'à faire ce qu'on fait présentement, puis que lorsque le chemin tourne, on tourne. Tout. C'est tellement plus simple. La personne pourrait dire, « Monsieur Kem, comment je peux savoir si je peux faire vos cours? » Ben, inscris-toi. Tu manques ton coup. On va te rembourser. C'est réussi. C'est réussi. Comment on peut savoir si on a besoin de vos cours? Ben, fais-les pas ou fais-les. Un ou l'autre. Tu vas savoir. Ça n'a rien à voir. Comment savoir si on peut aller loin au niveau de l'évolution? Tant que tu es vivant, tu continues d'avancer. C'est simple. Quand tu es mort parce que ta limite était là, c'est simple. Une question qui se pose? Peut-on affirmer que toute énergie dépensée par un être vivant est une manipulation qu'il exerce sur l'extérieur en vue de ce qu'il croit, lui, être avantageux, et donc aussi qu'un être vivant ne peut être que totalement égoïste, malgré les apparences? Un être vivant est totalement égoïste, mais il y a deux formes d'égoïsme. Celui qui sait qu'il est égoïste et qu'il le fait parce qu'il en conçoit l'intelligence, parce qu'il sait qu'il fait partie d'un cadre écologique et qu'il a sa place et qu'il a le droit d'avoir sa place parce que de toute façon, il impose son espace-temps à l'extérieur, égoïsme intelligent. Il comprendra pareil les conséquences des choses, il sera écologiste, éco-égoïste. Et il y a l'égoïsme conventionnel, celui qui est convaincu qu'il n'est pas égoïste, celui qui veut faire pour les autres, celui qui veut être altruiste, celui qui est totalement égoïste pareil, parce qu'il ne dort pas s'il n'a pas été altruiste, donc en partant, il le fait pour dormir, donc il le fait pour lui. Et lui est plus dangereux. Alors, nécessairement, l'être humain est égoïste, ça va de soi, c'est bâti comme ça, un être humain. Peut-on dire qu'un fœtus qui se retrouve dans une poubelle, est un être moins organisé dont les intérêts sont en conflit avec les intérêts d'une personne plus organisée? Non, absolument pas, absolument pas. Le fœtus se retrouve effectivement dans une poubelle. Parce que celle qui l'a mis là, c'est pas ce qu'il y avait de beau au niveau énergétique. Et est-ce que ce fœtus est un être inorganisé qui était en conflit avec un être plus organisé? Non, absolument pas. La personne qui est un être plus organisé, elle ne met pas d'enfant au monde. Hein? Par la méthode subliminale, peut-on arriver à atteindre le mental? Comme par exemple, maigrir par la méthode subliminale. Quelle est cette méthode? Maigrir par la méthode subliminale. On engraisse normalement par la méthode subliminale. On devient plus épais? Non, ça serait bien. Ça serait bien? Je ne sais pas ce qui arrive. Ah. Alors, par la méthode du subliminal, donc de l'inconscient, autrement dit, ça nous rend sans qu'on le sache, ça subliminal, peut-on arriver à atteindre le mental? Non. On peut arriver à reprogrammer certaines structures du mental, engendrer des mémoires d'intervention au niveau du mental, mais on ne devient pas mental. Est-ce qu'à mon insu, je peux devenir réveillé? Non. Comme par exemple, maigrir par la méthode du subliminal, c'est une perte de temps. La personne qui veut maigrir par une méthode subliminale veut sans doute maigrir par esthétique. C'est de l'astral. Si je suis obèse et que je veux maigrir, c'est parfait. Il y a bien des cours que je n'aurais pas besoin de m'inscrire. J'ai rien qu'à prendre ma graisse en main, travailler avec mon ego qui va tout faire pour que je continue à engraisser, taper dans la tête de ceux qui m'entourent, qui vont tout faire pour me dire que ça fait 20 fois que j'essaye et que ça ne marchera pas, parce que la phrase ça sert à tout le monde pour m'empêcher de faire ce que je veux faire. Et puis je m'enligne pour me prendre en main, pour devenir suffisamment discipliné. Sinon là, je m'inscris à des structures pour maigrir, puis je leur donne la mission, le mandat de me discipliner à faire ce que je dois faire. Puis je m'enligne pour le faire. En sachant que ce n'est pas eux autres qui vont le faire. La question que l'humain doit se poser dans sa vie, c'est une question fondamentale. C'est pas quels sont les problèmes que j'ai aujourd'hui. Je suis gros, je dors mal. C'est pas ça. Il doit se poser quels sont les problèmes que j'ai encore depuis un an. Et puis là, il va pouvoir voir à quelle vitesse il se transforme. Je suis gros depuis 15 ans. Correct. Ça, il faut que je règle ça à un moment donné. Je suis pauvre depuis 15 ans. Il faut que je règle ça à un moment donné. Et puis finalement, tu règles les problèmes que tu traînes avec toi tout au long de ta vie. Présentement, je suis nerveux, mais ça fait un, 2-3 mois. Ah, il faut pas être nerveux. On règle les problèmes que tu traînes depuis ta naissance. Et puis lentement, on verra les choses. Quels sont les problèmes que j'ai encore? Pas quels sont les problèmes que j'ai. Mm-hmm. La personne n'a pas besoin de méthode subliminale. C'est comme il y a plusieurs personnes qui vont, j'ai déjà vu une publicité à un moment donné, si vous êtes trop lâche, faites du conditionnement physique, venez nous voir, nos machines le font pour vous. Satan, ça maigrit. Je pensais que c'était une annonce d'armée, moi, si la vie vous intéresse. Non, si la vie des autres vous intéresse, c'est pas pareil. Mais le maigrir subliminalement, si on n'a aucune volonté et on veut maigrir, développez votre volonté et laissez faire votre graisse. La volonté est beaucoup plus importante à obtenir que la minceur. Alors, la personne doit s'arranger pour travailler sa volonté. C'est-à-dire travailler simplement sa discipline. C'est la seule volonté qu'on peut donner à l'ego, de la discipline. Je suis mon seul maître. Je veux maigrir, je vais maigrir. Comment? Je vais changer mon régime de vie. Je vais changer des choses. Et puis, je souffrirai. Tant pis. Et puis, lentement, elle aura développé de la volonté. Quand elle aura la volonté, si elle n'a pas maigri, c'est qu'elle a un corps qui ne peut pas maigrir. Mais elle aura au moins acquis la volonté. Mais c'est génial. Elle pourra faire n'importe quoi d'autre. Plus grave après. C'est ça, frapper celui qui dit qu'elle est grosse. J'essaie souvent d'imaginer un avenir possible, soit 50, 100 ou 500 ans. Matériellement, je ne vois qu'une évolution technologique perfectionnée et je ne vois être bien dans ma peau, mais étant donné que tout change vite, est-ce que l'on doit imaginer tous les détails ou se tenir à une image rapide? On fait juste vérifier si on a une possibilité d'être dans un avenir et si on la voit, eh bien on s'enclenche dedans. Alors on ne va pas chercher plus de détails, ça ne sert à rien. Si on va chercher plus de détails, ce sont toutes des détails qu'on ne verra jamais. L'astral va s'en occuper. Mais tantôt, quand tu faisais allusion à si on ne veut pas vivre un futur possible, si on s'imagine qu'on est pauvre. Ici à un séminaire, à un moment donné, sur les clés du contrôle que je donnais, où j'explique que l'humanité approche d'un nœud majeur où l'humanité va faire un choix. Dans ce nœud majeur, dans ce choix, qu'on appelle prophétiquement Apocalypse, il y aura un choix d'intelligence, il y aura un choix d'astraligence, donc d'intellectuel. Et l'humanité qui est intelligente et celui qui est présentement en contact avec l'intelligence, doit s'arranger pour pilonner le monde de la mort de façon à étirer le nœud pour que l'humanité qui n'est pas apte à faire le choix de l'intelligence ne fasse pas le choix trop vite. Et par la suite, il doit pilonner le monde de la mort pour obliger l'humanité à faire le choix de l'intelligence. Manipulation totale du contexte planétaire. Et l'individu, bon alors on commence à vérifier une chose. Avant de savoir s'il pilonne le monde de la mort pour qu'il prenne un choix particulier, existes-tu dans ce choix-là? Et il y a des façons, donc, que j'expliquais pour aller vérifier si tu existais dans ce futur possible. Parce que l'être humain existe dans plusieurs futurs possibles. Et c'est une chose très ouverte à expliquer ce soir. Et donc, la personne, elle n'a pas besoin de ramasser tous les détails. Elle a simplement vérifié si elle est capable d'envisager quelque chose dans un avenir où il y a de l'intelligence. Si elle est capable de l'envisager, c'est qu'elle se rappelle de l'avenir. Donc, elle est déjà dans cet avenir. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours vécu comme si j'allais mourir demain. Maintenant, je suis toujours pas mort. Un jour, elle aura raison. Pas mal. On dirait donc qu'il va falloir que je prépare l'avenir. Est-ce une manipulation d'avoir toujours vécu ainsi? Ben oui, ça va de soi. Elle a toujours peur qu'elle meure demain, alors ce qui fait que nécessairement elle ne meurt pas demain, l'astral ne permettra pas ça. Elle est convaincue qu'elle meurt demain, elle mourra. Faut pas y faire plaisir. Elle va peut-être mourir le soir, pas demain. Bon. Il arrive quoi? Il arrive simplement que l'individu doit... Ça, c'est une manipulation intéressante qui peut barrer certains égos, mais c'est une manipulation du monde de la mort où on s'amuse simplement à donner de l'illusion à l'individu qu'il lui arrivera quelque chose. Alors, est-ce une manipulation? Oui, effectivement. D'avoir toujours vécu ainsi, c'est une manipulation. De toute façon, l'humain est totalement manipulé tout le temps, sauf que c'est une manipulation qui n'est pas intelligente et que la personne doit finir par s'enligner pour parler à sa manipulation quand ça va arriver. Et à un moment donné, la manipulation, enfin, l'idée, le phénomène de mourir demain va finir par disparaître. Est-il possible, même si tout est possible, que les gens que tu formes à l'ajustement de la pensée aient court-circuité l'étape de la compréhension et soient devenus des mentaux menteurs à leur insu, c'est-à-dire qu'ils se mentent sans savoir? Si oui, quelle étape a été court-circuitée? Bon, il n'y a pas d'étape de court-circuité. Par contre, il y a une étape très importante, c'est qu'il y a des phases tout à fait normales par lesquelles un individu passe lorsqu'il est en train d'avoir un contact avec un ajusteur de pensée. Et bien souvent, c'est ceux qui les observent, qui voient des choses, et ils vont les colorer, les interpréter à leur façon, et ils vont rejeter certaines choses. Par contre, lorsqu'un individu est en contact et que lui-même prend conscience qu'il dit des choses qui ne sont pas brillantes, ou encore il se compte démentir dans sa parole, j'ai expliqué aussi que selon la grandeur du canal qui est l'ajusteur de pensée, il y a énormément d'eau froide qui va couler avant que l'eau chaude arrive. Donc, l'individu doit continuer à parler et à dire même des conneries. Mais la solution, c'est de jamais se prendre au sérieux, ce qui fait que tu ne fais confiance ni à ce qui vient d'intelligence, ni à ce qui vient de l'astral, tant que tu n'es pas capable de discerner. Et quand tu discernes, c'est encore toi qui vas trancher. Alors, est-il possible, même si tout est possible, alors effectivement, que les gens que tu formes à l'ajustement de la pensée aient court-circuité l'étape de la compréhension? Non. Par contre, la compréhension ne vient que lorsque la pensée est ajustée. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens comprennent avant d'avoir une pensée ajustée ou qu'ils comprennent toute la mécanique. C'est donc une étape normale. Ils sont devenus des menteurs à leur insu. À leur insu, pas nécessairement, ils travaillent. Par contre, il y a des choses qui sont évidentes, c'est qu'il y a certains individus qui, de temps en temps, s'inscrivent à des cours que je donne et qui n'ont pas la génétique suffisamment prête actuellement pour parvenir à un résultat réellement probant. Et j'ai déjà éliminé plusieurs individus qui s'étaient inscrits à certains cours et prochainement, je vais devoir éliminer tous ceux qui ne peuvent pas, soit travailler avec eux d'une façon... Ça leur sert toujours, mais ça ne leur sert pas comme ils pourraient égoïquement s'attendre. Alors, nécessairement, ça crée des déceptions. Alors, on va simplement canaliser, enligner un peu plus les gens en fonction du travail que je fais et dire à ceux qui ne sont pas faits pour travailler avec ceux avec moi, de travailler avec d'autres. Alors, ce sont des étapes qui sont normales et naturelles dans l'évolution d'un ajusteur de pensée, que l'individu arrive à expliquer les choses et se joue des tours, il a toujours de l'ego. Tantôt, quand à l'autre partie, avant la période de questions, tu as mentionné que pour évoluer, il fallait s'autodiscipliner, si on veut. Est-ce qu'une façon de faire ça, ça pourrait être, par exemple, pour quelqu'un qui vit dans un taudis, qui a un job ben en bas de la moyenne ou moyenne faible, de s'endetter, de prendre des cours plus qu'il est capable d'en faire, de s'hypothéquer, si on veut, dans l'avenir? Est-ce que ça peut être une façon de se pousser à évoluer? Non, on ne se pousse pas à évoluer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain ne se pousse pas à évoluer. L'être humain évolue dans son taudis comme dans son palace. Par contre, l'être humain peut décider de changer de pion. La conscience habite l'humain. Celui qui souffre, ce n'est pas la conscience, c'est l'ego. L'ego qui mémorise la conscience voit clair une chose, la conscience en balance. La conscience, elle est une conscience. Et l'ego qui est à l'intérieur voit sa condition par le contact avec sa conscience, c'est l'ego qui souffre, parce que l'ego est collectivement comparatif. Étant collectivement comparatif, l'herbe chez le voisin est toujours plus beau. Même le riche, qui est un riche conventionnel, nécessairement, il voit que le pauvre est meilleur, qu'il aimerait ça plus avoir sa richesse, qu'il aimerait s'habiller sale de temps en temps, qu'il aimerait être plus riche pour être plus riche que l'autre, qu'il aimerait avoir 3 jaguars de plus. Il y aura toujours une problématique. Oui, d'accord, une stacée, mais quand même. Pour d'autres, il y en a même 3. Et surtout quand la batterie marche mal, ouais. Enfin. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui est dans un taudis, il peut décider de changer de structure de pion. Mais il n'évoluera pas plus vite. Il va souffrir autant là que là. Mais on peut souffrir plus confortable que souffrir dans le bout. C'est tout. En se donnant des outils de façon à pouvoir se transformer, et encore une fois, il n'y a rien à faire, c'est lui qui doit le faire, le fera. C'est pas un choix de ça. Ça ne sert à rien d'aller voir, par exemple, de ramasser, d'aller rencontrer, réunir 1000 assistés sociales et les motiver à devenir millionnaires. Non. La grande majorité de ceux-là sont assistés sociales parce que le cosmos a décidé pour eux. Et même s'il y a des gens qui vont les haïr, les trouver ceci ou cela, il n'y a rien à faire. Il y en a qui doivent ne pas travailler. Bien, ben. Ils ne voyageront pas, ils ne vivront pas, ils n'évolueront pas comme un autre va pouvoir le faire. Il y aura sa structure à lui. Mais socialement, il va permettre à d'autres de foncer. Mais c'est correct que ça soit comme ça, finalement. Ça en prend qu'il... Il n'a pas le choix. Ça en prend de toutes les sortes, si on peut dire, mais ça prend des gens qui vont... utiliser des systèmes qu'on va mettre en place qui vont faire de l'argent à ceux qui ont en place. Je vais te dire, moi, ce qui m'enrage le plus dans la structure humaine. Premièrement, il y a des choses que je trouve absolument connes, même si j'en vois l'intelligence. Bon, l'intelligence n'est pas humaine. Je suis humain. Le système des martyrs de la transition, c'est absolument idiot. Et il y a moyen d'empêcher ça. Pour empêcher ça, il faut que des êtres humains intelligents finissent par instruire le monde de la mort de l'intelligence pour faire en sorte que l'utilité des martyrs de la transition... qui ont comme fonction inconsciente d'instruire le monde de la mort de leur contact avec l'intelligence supramentale, ne soit plus nécessaire. Ça, c'est une chose. Ça veut dire que... Ça pourrait se faire comment? Comment? Comment ça peut se faire? Bien, c'est simple. Il faut simplement faire une revue. Une revue qu'on publie avec de l'intelligence dedans. Que personne ne va acheter parce que l'humain n'achètera pas ça. L'astral va leur dire de ne pas l'acheter. Donc, une revue qui est nécessairement déficitaire et que des hommes d'affaires vont dire, bon, on la finance. On la finance pourquoi? Bon, on la finance. On perd de l'argent, on s'en balance. On en imprime 15 000 copies, puis on en reçoit, il en revient 14 500 copies. C'est pas grave. Et on recycle le papier. On en réimprime tous les mois. On réimprime par-dessus, c'est pas grave, personne ne l'a lu. Ouais, effectivement, t'es un homme d'affaires. Bon. Et lentement, ben, le fait qu'on l'imprime, on place dans la matière de l'intelligence, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a un individu à qui il ne peut pas travailler, un individu qui est intelligent mais qui est pogné, qui à un moment donné va se dépogner. Pourquoi? C'est tout. Et là, on va dire, oui, mon père a de l'argent. Non, tu ramasses un allié. C'est tout. Il faut que des êtres humains intelligents, mais intelligents, comprennent l'idée, comprennent la structure. C'est pas une mission, c'est une mécanique. L'intelligence doit être accessible à l'humain. Et l'intelligence n'est accessible qu'à une génétique particulière. Mais colorée dans l'astral, elle est assimilable par les égaux qui font partie de la race humaine. Alors, il y a donc des êtres humains qui vont devenir des martyrs de la transition, qui vont devenir des êtres qui auront de l'ego, parle de menteur-menteur, c'en est, petit possiblement, qui vont être capables de voir l'intelligence, de ne pas l'appliquer pour ne pas faire chier les faibles, parce qu'ils ont de l'ego, et qui vont la communiquer en bavant, criant, en parlant. Et pour les libérer, eh bien, on doit faire la job. Et si on fait le travail, l'une des façons, c'est de simplement imprimer de l'intelligence, qui ne se vend pas. On ne fait même pas de publicité, on ne veut pas en vendre. On l'imprime, puis on la distribue, puis on s'en fout. Et puis elle revient, puis c'est pas grave. Ça, c'est une manière. Et lentement, on va libérer des individus qui vont être nos alliés, qu'on rencontrera peut-être jamais, ça n'a aucune importance, mais qui maintenant vont travailler librement du point de vue supramental. C'est un moyen. Tu vas les libérer parce qu'ils vont avoir lu la revue ou parce que ça va avoir été écrit? Parce qu'ils n'auront plus de nécessité cosmique d'être un martyr pour instruire l'astral, parce que ta maudite revue, elle le fait. À leur place. Oui. C'est comme, prenons l'exemple d'un karma, on a tant d'alcooliques. Comment aider les alcooliques à ne plus être alcooliques? Ben, c'est simple. Il faut détruire une partie du karma qui le supporte. Ça ne sert à rien de dire à un alcoolique, tu dois devenir, enfin bref, faire des associations, prendre des alcooliques puis les libérer. T'en libères un, t'en saoules un. C'est pas compliqué, c'est même que ça marche. Il y a autant d'alcoolisme qu'il y en avait avant. Mais comment tu fais pour aller défaire ça? Ben, il faut simplement massacrer certains karmas. Pilonner? Oui, et l'humain n'est pas capable encore de supporter cela. La première chose que l'on fait dans une société comme Montréal, pour démolir une grande partie du karma social que vont porter les handicapés, donc ceux qui vont naître, les prochains, et les alcooliques et les drogués. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par détruire tous les monuments ou tous les édifices qui datent de plus de 20 ans. Compliqué. À Montréal? Oui. Tu vas faire de la place pas mal. Oui. On détruit ça. Morceau par morceau, on commence par les plus vieux, les plus vénérés. Les vieilles églises, ça, tu balayes ça complètement. T'en bois des nouvelles. Si le monde a besoin d'église, tu bois des nouvelles églises. L'oratoire, tu mets ça poubelle. Bon. Alors, quitte à bâtir une autre affaire dessus, c'est pas grave. Pourquoi? Simplement parce que ces formes-là conservent les karmas, additionnent karmiquement, chose sur chose, les choses du passé. Et notre société est maintenant carrément dans une espèce de grand dôme où les antennes karmiques font les vieilles cochonneries, ce qu'on appelle monuments historiques, font en sorte de ramasser et d'attirer dans notre système social toutes les bévues, toutes les conneries humaines qui ont été faites depuis que notre société est là. Alors, on les conserve. L'astral y tient en maudit, et c'est pourquoi on parle de tradition. L'astral peut manipuler l'humain avec ces choses-là, en détruisant ces antennes-là. Quand on disait, à un moment donné, que Laval était une société de l'avenir... L'avenir est à Laval. Bon, l'avenir est à Laval, mais cherche des vieilles cochonneries à Laval. Il y en a pas. Bon, l'avenir est à Laval. Ça va de soi. Et c'est comme ça qu'on devrait faire. Et là, on va libérer des humains. Bon, pas du jour au lendemain, ça va prendre 2, 3 à 10 ans. Mais l'alcoolisme, la drogue, un paquet d'affaires va disparaître. Parce qu'il n'y aura plus de nécessité mécanique, donc intelligente, de supporter des humains qui vont vivre ce genre de choses. Mais quand tu parles de l'oratoire ou des bâtiments comme ça, des vieux bâtiments, est-ce que c'est la forme du bâtiment non, qui doit être défaite ou la roche qui doit être explosée? Feu, ou ben, si c'est en pierre, ça ne brûlera pas? Bon, là, ben, si tu fais l'armée canadienne, là, j'ai fait... Quand t'as une pierre, là, je suis sérieux, là, ma question pour une fois. Quand t'as une pierre, comme dans l'oratoire... La forme. Faut que tu détruises la pierre, faut que tu fasses de la gravelle avec ou faut que tu... Voilà, que tu vas passer dessus avec ton char. Ben, tu pourrais vendre ça en poussière, ça, tu pourrais bâtir des, pas mal de choses, même. Au mais faut, mieux, faut que tu défasses ta forme. Vends ça en Europe, ils vont acheter. Ça, c'est pas bête. À ce moment-là, tu le t'en... Il y a une église à Montréal qui la réplique de Saint-Pierre de Rome. Fait que tous les problèmes des chrétiens, on les implante ici. Mais c'est normal, l'animal humain pense que l'évolution, doit être méritoire, il doit être martyr, de souffrir. Il faut qu'on élimine ces choses. Il n'y aura pas un autre moyen? Tu disais l'autre fois que, par exemple, pour enlever des mauvais sorts qui pouvaient, ou des mauvaises ondes qui pouvaient être dans un objet, tu pouvais le mettre dans un four micro-ondes. Je sais bien que ça prendrait un gros four micro-ondes, mais il n'y a pas une technique qui pourrait faire en sorte que tu nettoies une ville? Oui, il y a des techniques. À part une bombe, là. Oui, il y a des techniques. Laquelle? Ouf, ça vaut à peu près pas la peine d'en parler, je peux t'en parler. Mais pourquoi ça vaut pas la peine d'en parler? Ce sont des techniques qui vont prendre 200 ou 300 fois plus de temps que de démolir les bâtisses. Ouais, c'est parce que je suis pas certain que le maire va vouloir que tu démolisses les bâtisses. Le nouveau maire, peut-être. Ouais. L'ancien, non. L'ancien. Mais ça serait... C'est à peu près impensable de penser... C'est pas impensable, c'est pensable, c'est infaisable. C'est pensable, c'est infaisable. Pas pareil. Il y a des solutions extrêmement faciles à appliquer. Pourquoi tu penses que l'humain parle toujours de nouvelles sociétés à bâtir ailleurs? Ben, ça va de soi. On peut pas bâtir du neuf dans du vieux. Ça dit que les prochaines conférences, on va les faire à Laval. Ça va être moins loin pour moi. La semaine prochaine, on parle de manipulation chez les parents, mais on parlait surtout des manipulations, des positives, négatives, et de comment manipuler les manipulateurs, même si on parle effectivement des parents manipulés. Mais parents manipulés ou pas parents manipulés, t'es manipulé pareil, par les humains. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir, vous savez quoi faire, soyez manipulés et venez faire un tour. Sinon, en attendant, bien, continuez à respirer l'oxygène pendant qu'il en reste. Tout est ressent. Et je vous rappelle qu'à la fin de votre billet pour la semaine prochaine, vous avez la cassette de la première partie de ce soir. Sur ce, bonne soirée. Moi, je suis encore disponible pour répondre aux questions sur le prochain séminaire de l'année.